Connaissez-vous Flora Tristan, aristocrate déchue, femme socialiste et ouvrière féministe? Flore Célestine Thérèse Henriette de Moscoso, plus connue sous le nom de Flora Tristan, est née à Paris en 1803 d'un couple mixte, comme on dirait aujourd'hui. Son père, un aristocrate péruvien, avait épousé sa mère, une petite bourgeoise parisienne émigrée en Espagne pendant la Révolution française. Le décès de son père en 1807 marqua le premier drame de sa vie. Réduite à une existence précaire, elle épousa André Chazal, un artisan parisien, alors qu'elle avait à peine 17 ans. Après avoir donné naissance à 3 enfants, elle quitta le domicile conjugal pour échapper aux violences et aux humiliations de son mari. En 1833, elle se rendit au Pérou, espérant se faire reconnaître par sa famille paternelle. Mais comme le mariage de ses parents n'avait jamais été enregistré officiellement, elle n'obtint pas gain de cause. Ce voyage initiatique lui permit néanmoins d'écrire son premier livre, intitulé « Pérégrination d'une paria ». De retour à Paris, elle subit à nouveau les persécutions de celui qui était toujours son époux, car le divorce était alors interdit. Leur fille, Aline, ayant accusé son père d'inceste, Flora porta plainte contre lui. Elle obtint la séparation de corps, mais Chazel, ayant décidé de se venger, lui perfora le poumon gauche d'un coup de pistolet. Il fut condamné à 20 ans de travaux forcés, commué en une peine de prison. Flora put enfin prendre le nom de Tristan. Sa liberté reconquise de haute lutte, elle s'engagea corps et âme dans la défense des deux grandes causes qui lui tenaient à cœur, celle du prolétariat et celle des femmes. Elle tissa des liens avec le mouvement socialiste en plein développement, en faisant notamment la connaissance de Pierre-Joseph Proudhon. En 1843, elle s'engagea dans un tour de France à la manière des compagnons qui sillonnaient le pays pour parfaire leur formation et leur connaissance du monde. Elle raconta dans son journal ses rencontres avec les hommes et les femmes du peuple qu'elle avait côtoyés, document précieux pour les historiennes et historiens qui veulent connaître le monde du travail à cette époque. Malheureusement, elle n'acheva pas son périple, car elle mourut de la typhoïde à Bordeaux le 14 novembre 1844. Quelques années après sa mort, une souscription fut lancée par des ouvriers dans le but de faire ériger un monument à sa mémoire et à celle de l'Union ouvrière, monument qui se trouve au cimetière de la Chartreuse de Bordeaux. Après avoir été oubliée, Flora Tristan fait aujourd'hui l'objet d'un regain d'intérêt. Chaque année, le 14 novembre, l'Institut d'histoire sociale de la Gironde, animé par la CGT, lui rend hommage. En 2021, Flora Tristan a été à nouveau à l'honneur dans le cadre d'une exposition organisée à Bordeaux pour la célébration du bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Une plaque commémorative a été déposée le 8 mars lors de la Journée internationale des femmes pour qu'on se souvienne de celle qui se présentait elle-même comme une aristocrate déchue, femme socialiste et ouvrière féministe.